بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ما بعد، le 11 à Allah, en cette nuit du 6 Shawwal 1441, on se retrouve pour se rappeler le sujet du jeûne des 6 jours de Shawwal. Shawwal, comme tous les noms qui ont été donnés au mois lunaire, ils ont une cause. Le mois de Shawwal n'échappe pas à cela non plus. Au moment de son appellation, les dromadaires étaient en état de route et ils levaient leur queue et on dit en arabe al-ibilu tushawwilu adnabaha et tarfa'uha. Il a été dit aussi que durant Shawwal, il faisait chaud et les chamelles se refusaient aux chameaux à cause de la chaleur. Et les Arabes avant l'islam avaient des superstitions sur ce mois au point où ils ne se mariaient pas durant le mois du Shawwal. Et le messager alayhi salatu wassalam a cassé cette superstition en se mariant avec Aïcha radiyallahu anha pendant le mois de Shawwal et en ayant la nuit de noces avec pendant le mois de Shawwal. C'est pour ça que la véridique, fille du véridique, Aïcha radiyallahu anha, incité au mariage durant le mois de Shawwal. Et le sujet de notre assise, c'est comme on dit le sujet d'actualité. Hein, c'est le sujet d'actualité. Car le jeûne du 6 jours de Shawwal, il concernera le jeûne des 6 jours de Shawwal durant cette assise, durant laquelle nous allons traiter un certain nombre de points concernant cette sunna du jeûne des six jours de Shawwal. Le premier point sera le statut du jeûne des six jours de Shawwal. Le deuxième point, les effets et les mérites de ce jeûne et ses buts. Et le troisième point, le statut de l'intention du jeûne surrogatoire. Et le quatrième point, la limitation du temps de la journée où il est permis de nouer l'intention du jeûne surrogatoire. Le cinquième point, la récompense du jeûne entamée après l'apparition de l'offre véridique. Et le sixième point, le statut de l'intention du jeûne spécifique comme les six jours de Shawwal parce que c'est un surrogatoire spécifique. Le sixième point, le statut de l'intention du jeûne spécifique comme les six jours de Shawwal. Le septième, le statut de jeûner les surrogatoires avant de rattraper le jeûne obligatoire du mois de Ramadan et d'autres points concernant le jeûne de ces six jours de Shawwal. Donc, le premier point, le statut du jeûne des six jours de Shawwal, il est préférable de jeûner les six jours de Shawwal, et cela est prouvé par un certain nombre de hadiths authentiques, comme an Abi Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qal man sama Ramadan, thumma atba'ahu, sittan min Shawwal, kana ka siyam al-dahr. Donc, dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu arda, a dit que le messager alayhi salatu wassalam a dit celui qui jeûne, qui suit le jeûne de Ramadan par le jeûne de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné sa vie. Et aussi le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man sama ramadan wa atba'ahu bi 60 min shawwal fa kanama sama ad-dahr. Sahih al-Albani rahmatullah alayhi fi sahih at-targhib wa at-tarhib. Wa kadhalika hadith Tawban mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي لفظ لابن خزيمة صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة. إذنك السيد حديد توبان qui était le domestique du prophète alayhi salatu wassalam, il rapporte comme dans le hadith d'Ibn Majah qui est authentifié par Cheikh Nasr Dil Albani rahmatullah alayhi dans Sahih Ibn Majah, le messager d'Allah a dit: celui qui jeûne six jours après la célébration de la rupture du jeûne de Ramadan, c'est comme il a jeûné toute l'année, car celui qui fait une hasanat, il lui sera multiplié par dix. Le hadith d'Abu Huraira authentifié par Cheikh Nasr Dil Albani rahmatullah alayhi dans Sahih Targhib wa Targhib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne Ramadan et qui le suit de six jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné la vie entière. Ces hadiths prouvent les mérites du jeûne des six jours de Shawwal et prouvent aussi qu'il est préférable de les jeûner. La récompense de celui qui les jeûne constamment, c'est comme s'il a jeûné toute sa vie. Car la hasana est multipliée par 10. Ramadan, un mois multiplié par 10, ça fait 10 mois. Et les 6 jours de Shawwal, les 6 multipliés par 10, ça fait 60 jours, donc ça fait 2 mois. Et ça fait comme s'il a jeûné 2 mois, une année complète. Le deuxième point dans ce sujet, les buts et les effets de ce jeûne des six jours de Shawwal. Ibn Rajab, rahimahullah, l'auteur de la Ta'if al-Ma'arif, a cité beaucoup de sagesse et buts et beaucoup d'effets du jeûne des six jours de Shawwal. Voici certains parmi les plus importants. Avec le jeûne des six jours de Shawwal après Ramadan, le jeûneur complète les récompenses du jeûne de toute la vie. Le deuxième but, le jeûne des six jours de Shawwal et de Sha'ban sont comme les surrogatoires avant et après les prières obligatoires. Et donc ça remédie au manquement et lacunes qu'il y a eu dans le jeûne, comme les prières surrogatoires avant et après les prières remédie aux lacunes qu'il y a eu dans les prières obligatoires. Car les manquements dans les obligations le jour de la résurrection seront complétés par les surrogatoires, comme cela a été rapporté de notre messager alayhi salatu wassalam. Le troisième but du jeûne des six jours de Shawwal, c'est que le fait de reprendre le jeûne après le jeûne de six jours de Shawwal après le jeûne du mois de Ramadan est un signe de l'acceptation du jeûne de Ramadan. Car Allah, quand il accepte une œuvre de son soumis, il lui facilite une bonne œuvre après celle-ci. Certains salafs ont dit, la récompense d'une hasana, c'est une hasana qui la suit. Donc celui qui accomplit une hasana et qui la fait suivre d'une autre hasana, ceci est considéré comme une acceptation de la première hasana. Aussi celui qui suit une hasana d'une mauvaise œuvre, ceci est considéré comme refus de celle-ci. Le quatrième but, le jeûne de Ramadan implique le pardon des péchés précédents. Et les jeûneurs auront leur récompense complète le jour de la rupture du jeûne. C'est le jour, donc la rupture du jeûne, c'est le jour des récompenses. Donc le fait d'entreprendre le jeûne après la célébration de la rupture, c'est comme une reconnaissance et un remerciement de cette grâce, et il n'y a pas de plus grande grâce que celle du pardon des péchés, pour laquelle on a à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les prières nocturnes au point que la plante de ses pieds s'enfle et de laquelle il coule du sang. Quand il a été interrogé sur cela, alors que ses péchés, alayhi salatu wassalam, passés et ceux du futur, lui sont pardonnés, il a répondu, alayhi salatu wassalam, je veux être un soumis reconnaissant. Donc Allah Azza wa Jal a ordonné à ses soumis d'être reconnaissants et de montrer cette reconnaissance par la grâce du jeûne de Ramadan en faisant apparaître la proclamation, hein, la proclamation de la grandeur d'Allah, et en invoquant Allah, et ça c'est une autre forme de remerciement et de reconnaissance. Il est dit dans le verset, وَلِتُكُمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. La traduction approximative du sens du verset, pour que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et que vous soyez reconnaissant. Donc, fait partie de la reconnaissance du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui avoir facilité le jeûne de Ramadan, c'est de l'avoir aidé à le jeûner et de lui avoir pardonné ses péchés, c'est de jeûner pour le remercier après cette grâce. Dire c'est de jeûner six jours de Shawwal pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de cette grâce qui est le fait d'avoir permis à la personne et aider la personne à jeûner le mois de Ramadan. Et subhanahu wa ta'ala, et donc il est le cinquième but, les œuvres avec lesquelles le soumis se rapprochait d'Allah pendant Ramadan ne se limitent pas à Ramadan, mais ça continue jusqu'à la fin de la vie de celui-ci. Beaucoup de gens se réjouissent de la fin de Ramadan, car le jeûne est lourd pour eux. Ils sont lassés, car un mois de jeûne ils l'ont pour eux. Et celui qui se sent ainsi, il ne revient pas au jeûne aussitôt. Celui qui revient au jeûne après la rupture de Ramadan, cela prouve son envie de l'adoration du jeûne, et que le jeûne n'a pas été lourd pour lui. Et qu'il n'a pas détesté le jeûne, il n'a pas été lassé par un mois de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était constant dans ses œuvres. Aïcha radiallahu anha, قالت عندما سئلت, quand Aïcha a été interrogée, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam spécifiait certains jours avec des actes, il a dit non. Mais il était constant dans ses œuvres. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim ou Aïcha dit, quand on lui a, هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ فقالت لا, كان عمله ديمة, رواه البخاري ومسلم. Et que ses œuvres, il était constant sur les œuvres qu'il accomplissait, alayhi wasallam. Et il ne spécifie pas des œuvres pour un certain jour. Et il a dit, radiyallahu anhu ardaha, que le prophète, pendant Ramadan et en dehors de Ramadan, ne dépassait pas 11 rak'at dans les prières nocturnes, comme il est rapporté chez l'imam Bukhari, rahimahullah. Et le prophète, alayhi salam, rattrapait les œuvres qu'il accomplissait durant le mois de Ramadan. S'il ne les a pas accomplies durant le mois de Ramadan, il les rattrapait durant le mois du Shawwal. Une année, alayhi salam, comme il est rapporté chez l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, il n'a pas fait l'i'tikaf pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Et il les a rattrapés pendant la première décade de Shawwal, sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième sujet de notre assise, le statut de l'intention pour les jeûnes surrogatoires. Il est rapporté dans le Mughni et dans d'autres références du fiqh qu'il n'est pas obligatoire d'avoir l'intention de jeûner les jeûnes surrogatoires avant l'apparition de l'aube. Et le jeûne est valide, même si l'intention a été nouée dans la journée, à condition qu'il n'y a pas eu d'annulative du jeûne depuis l'apparition de l'aube jusqu'au moment de l'intention de jeûner. Et ceci pour plusieurs preuves. Parmi ces preuves, ce que dit Aïcha radiallahu anha, قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم داية يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. Et donc pour les preuves suivantes, Aïcha a dit, le prophète est rentré chez moi un jour et il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire à manger? Et j'ai dit non. Il a dit donc, je suis en état de jeûne. Et puis il est venu un autre jour, et j'ai dit, on nous a offert le hays. Le hays, c'est une pâte faite de dattes, de fromage cuit, séché et de beurre rance. C'est ça le haïs. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, quand Aïcha lui a dit, on nous a offert le haïs, il a dit, montre-le-moi, car depuis ce matin, je suis en état de jeûne. Et il a mangé, alayhi salatu wassalam, et ceci est rapporté par l'imam muslim. Wa fi lafdhi lin-nasa'i, ja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman faqal, hal indakum min ta'am? Qultu la, qala idhan asoum. Et dans une expression chez Nasa'i rahimahullah, le messager d'Allah est venu un jour et il a dit, il a dit à Aïcha, est-ce que vous avez de la nourriture? Aïcha a dit non. Il a dit donc, je jeûne. Le hadith est authentifié par Cheikh Nasser Dil Albani rahmatullah alayh. Donc l'argumentation dans ce hadith, l'argumentation dans le premier hadith, dans la première version et dans la deuxième version, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la première version, donc je suis en état de jeûne. Dans la deuxième version, il a dit, donc je jeûne. Donc le prophète a eu l'intention de jeûner, hein, un jeûne surrogatoire dans la journée. Il a eu l'intention dans la journée. Et ne l'a pas eu avant l'aube, avant l'apparition de l'aube. Et cela prouve la validité de cet acte et que ce n'est pas une condition d'avoir l'intention de jeûner avant l'aube pour les jeûnes surrogatoires. Et il est rapporté beaucoup de athar, des nobles compagnons qui relatent qu'ils nouaient l'intention pour les jeûnes surrogatoires dans la journée. Ce qui prouve la validité de cet acte. Parmi ces athar, عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان ربما دعا بالغداء فلا يجده فيفرض الصوم عليه ذلك اليوم وفي لفظ قال إني صائم وفي لفظ ثالث فيصومه وقد أصبح مفطرا. Et donc le premier retard ici selon أم الدرداء, parlons d'Abu Darda, et que des fois Abu Darda rentrait à l'heure du petit déjeuner à la maison. Il trouve rien à la maison. Puis, il s'impose le jeûne de ce jour. Dans une version, il dit, je suis en état de jeûne. Et dans une troisième version, il jeûne. Hein? Il dit, il jeûne ce jour-là, alors qu'il n'avait pas l'intention de jeûner avant l'aube. Hein? Cet atar est rapporté par al-Bukhari et par Ibn Abi Shayba, authentifié par Cheikh Nasser Dil Albani, rahmatullah alayh, dans Mukhtasar Sahih al-Bukhari. Et un autre atar, celui de Abdullah ibn Abbas, an Ikrima radiyallahu anhu, an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولا صومن من يوم هذا. Et donc le deuxième atar selon Ikrima, qu'Abdullah ibn Abbas, des fois il n'avait pas l'intention de jeûner, il arrive, arrive le moment du dhuhr, il dit, par Allah, ce matin je ne voulais pas jeûner et je n'ai rien mangé ni bu depuis le fajr, je jeûne ma journée. Hadith aussi rapporté par le Bukhari et Cheikh Nasser Dil Albani rahmatullah alayh a jugé bon sa chaîne de transmission. والأثر الثالث عن سعد بن عبيدة قال حذيفة رضي الله عنه من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصوم. وفي لفظ آخر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام رضي الله عنه. Et donc le troisième atar ici selon Sa'd ibn Ubaida qui rapporte que Hudayfa a dit, celui qui jeûne, qui a l'intention de jeûner après le zénith, qu'il jeûne. Mais je vous rappelle qu'à condition qu'il ait rien mangé après l'apparition de l'aube. Il ne faut pas qu'il y ait d'annulatif après l'apparition de l'aube pour avoir cette intention de jeûner un surrogatoire dans la journée. Dans une autre version, selon Sa'd ibn Ubaida, qui le tient de Abi Abdurrahman Sulami, que Hudayfa a eu l'intention de jeûner après le zénith, et il a jeûné, radiyallahu anhu wa arda. Et ceci est rapporté par Al-Bukhari et aussi par Nouabi Shaiba et d'autres. Le quatrième sujet dans notre assise, la limite du temps dans la journée où il sera valide, la limite du temps dans la journée où il sera valide à celui qui veut jeûner d'avoir l'intention de jeûner le jeûne surrogatoire. Selon ce qui est rapporté dans le Mujmu' et dans le Mughni, et dans d'autres références du fiqh, le Mughni et le Mujmu' font partie des grandes références du fiqh. Le jeûne surrogatoire est valide, peu importe l'heure où la personne a eu l'intention de jeûner, avant le zénith ou après le zénith, mais toujours à condition d'avoir pas eu d'annulatif après l'apparition du fajr. Pour les preuves qui ont été citées auparavant, le hadith de Aïcha et les attars que nous venons de citer des nobles compagnons d'Allah alayhim, on y rajoutera tout simplement ce attar de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu arda. عن العلاء بن الحارث عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يأتي أهله بعد الزوال فيقول عندكم غداء فيعتدلون إليه فيقول إني صائم بقية يومي فيقال لا تصوم آخر النهار فيقول من لم يصم آخره لم يصم أوله. العلاء بن الحارث غبطكم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه بن الشلوي أبخل زينيت il demande le déjeuner, sa femme s'excuse. Et il dit alors, je jeûne le reste de ma journée. Et on lui dit, il jeûne la fin de la journée. Et il dit, radiyallahu anhu arda, celui qui n'a pas jeûné la fin de la journée, n'a pas jeûné son début. Le hadith est rapporté par Ibn Abi Shayba dans le Musannaf. Et donc, le cinquième sujet, c'est quoi la récompense de celui qui a l'intention de jeûner le surrogatoire au milieu de la journée? C'est quoi la récompense de celui qui a l'intention de jeûner le surrogatoire au milieu de la journée? Si la personne a eu l'intention de jeûner un jour surrogatoire après l'apparition de l'aube véridique, à un moment de la journée, alors qu'il n'a pas eu d'annulatif, après l'apparition de l'aube, il est considéré en état de jeûne légiféré à partir du démarrage de son intention. C'est-à-dire, au niveau, son jeûne législatif va être considéré à partir du moment où il a noué son intention. Si il a noué à midi, ça veut dire c'est à partir de midi. Pour les preuves suivantes, le hadith de Omar ibn Khattab, « Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa ». Le hadith de Omar ibn Khattab qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, certes les actes ne valent que par leurs intentions, et l'individu sera rétribué selon son intention. Le hadith est muttafaq alayh. Ce hadith prouve qu'aucune œuvre n'est récompensée et acceptée qu'avec une intention. Et ce jeûneur s'est absenté des annulatifs du jeûne sans l'intention. Donc il ne sera pas récompensé pour l'abstinence qu'il a eu avant l'intention. Et ceci est relaté dans le Mughni, dans le Mujmu' et dans d'autres références du fiqh. C'est-à-dire, le hadith de Omar ibn Khattab prouve qu'une œuvre n'est récompensée et acceptée qu'avec une intention. Et ce jeûneur qui s'est abstenu au milieu de la journée et qui s'est abstenu des annulatifs du jeûne sans avoir l'intention de jeûner, et il a eu l'intention de jeûner que à midi ou avant, il ne sera récompensé pour l'abstinence qu'à partir du moment où il a eu l'intention. C'est-à-dire tout le temps qui est passé de l'aube jusqu'à une heure, par exemple, où il n'a pas eu l'intention de jeûner, où il s'est abstenu des annulatifs, il ne compte pas comme jeûne. Ce qui va compter, c'est à partir du moment où il a noué, dans la journée où il a noué son intention. Et ce n'est pas possible que soit mis à pied d'égalité dans la récompense celui qui a eu l'intention avant l'apparition de l'aube et celui qui l'a eu dans la journée. L'acte du premier est beaucoup plus grand que l'acte du deuxième. Il y a un qui a eu l'intention au moment de l'apparition de l'aube. Et l'autre a eu l'intention à midi. Ben, ils ne seront pas à pied d'égalité au niveau des récompenses. Le sixième hadith, le statut de l'intention pour les six jours du Shawwal. Il faut savoir que les surrogatoires sont divisés en deux. Il y a des surrogatoires absolus. Il y a des surrogatoires qui sont spécifiques et conditionnés par des moments précis. D'où ce point, ce sujet, le statut de l'intention pour les six jours du Shawwal. Car les six jours du Shawwal sont considérés par les hommes de science comme un surrogatoire spécifique et conditionné par un temps, comme le jeûne de Arafat, comme le jeûne du lundi et du jeudi, comme le jeûne de Ashura et le jeûne des trois jours lunaires de pleine lune. Les savants anciens ont traité le statut de l'intention avant l'apparition du Fajr pour le jeûne surrogatoire absolu, sans faire la différence entre les jeûnes surrogatoires spécifiques ou conditionnés par un temps ou un jour précis. Les anciens, parmi les hommes de science, ont traité l'intention, le sujet de l'intention pour, sans faire la différence entre eux, les jeûnes surrogatoires spécifiques et ceux absolus. Mais à notre époque, le sujet a été traité par certains savants, dans certaines fatwas. Il y a les savants qui font la différence entre le jeûne surrogatoire absolu et le jeûne surrogatoire spécifique pour un temps, et conditionné par un temps précis. La première position a été choisie par l'imam al-Fawzan, hafidhahullah. Pour lui, il ne fait pas la différence entre le jeûne surrogatoire spécifique ou absolu. Pour lui, il n'est pas obligatoire d'avoir l'intention pour les jeûnes surrogatoires sans différenciation. C'est-à-dire, pour lui, l'intention peut être, peut démarrer au milieu de la journée du moment que la personne n'a pas eu d'annulatif. Il ne fait pas la différence entre les jeûnes surrogatoires absolus et ceux qui sont spécifiques, par un temps tel que le jeûne de six jours de Shawwal, ou le jour de Arafat, ou Ashura, ou le lundi, ou le jeudi, ou les trois jours de pleine lune, et ainsi de suite. Ça, c'est la première position, la position de ceux qui ne font pas la différence. Et à notre époque, Cheikh al-Fawzan. La deuxième position, ceux qui font la différence entre eux, les jeûnes surrogatoires spécifiques et absolus. Et fait partie de cela, l'imam al-Uthaymin, rahimahullah, qui dit qu'il n'est pas obligatoire d'avoir l'intention pour les jeûnes surrogatoires absolus avant l'apparition du Fajr, mais qu'il est obligatoire de l'avoir pour les jeûnes surrogatoires conditionnés et spécifiques par un temps, tel les six jours de Shawwal, tel le jour de Ashura, tel le jour de Arafat, et autres. Et cette différenciation n'a pas été connue auparavant par les anciens. Et cette deuxième position pour laquelle a opté les Cheikh al-Uthaymin et d'autres, implique que celui qui jeûne un jeûne surrogatoire sans avoir eu l'intention avant le Fajr, son jeûne est considéré et on découlera la récompense qu'à partir du moment où il a eu l'intention. Ce qui veut dire qu'il n'a pas jeûné le jour complet. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la récompense pour un jeûne d'une journée complète. Imaginons maintenant, si quelqu'un n'a ni mangé ni bu, ni fit un acte annulatif du jeûne après l'apparition de l'aube, et au milieu de la journée, il décide de jeûner à la première journée de Shawwal, c'est-à-dire d'entamer le jeûne de Shawwal après l'Eid, le deuxième jour de Shawwal ou le troisième. Et il a eu l'intention au milieu de la journée. Et après ce jour-là, il a jeûné 5 autres jours, mais où il a commencé son intention, hein, avant l'apparition de l'aube. Donc, pour Cheikh Al-Utaymin, celui-là, selon cet avis, il habite Cheikh Al-Utaymin, il aura jeûné 5 jours et demi. Car les actes ne valent que par leur intention, et parce que le prophète a dit, celui qui suit le mois de Ramadan, de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné sa vie. Et il a dit 6 jours de Shawwal, il n'a pas dit 5 jours et demi. Et donc, selon cet avis, le prophète a fait la récompense, a fait que la récompense dépend du jeûne de 6 jours de Shawwal entier. Donc, selon cet avis, celui-là n'aura pas la récompense qui en découle, car il n'a pas jeûné 6 jours complets. Contrairement au jeûne surrogatoire absolu, il est valide et la personne sera récompensée à partir du moment où il a eu l'intention. Et comme dit Cheikh Al-Utaymin dans Sharh Al-Mumti', il recueille de Sifatawa où il a inclus dans les jeûnes surrogatoires spécifiques le jeûne du lundi, le jeûne du jeudi et les jours de pleine lune, ainsi que le jeûne de Ashura et de Arafat et des 6 jours de Shawwal. Donc, ça c'est l'avis du Cheikh Al-Utaymin rahmatullah alayh. Et là, comme il dit les paroles d'Ibn Utaymin rahmatullah alayh. Hein? Et là, il vaut mieux prendre ses précautions pour sortir de cette divergence et nouer l'intention du jeûne du surrogatoire spécifique avant l'apparition de l'aube véridique, wallahu ta'ala ala wa alam. Donc le 7e statut, le 7e point traité ici, le statut de jeûner le jeûne surrogatoire avant d'avoir rattrapé ce que la personne a manqué durant Ramadan. Le fait de jeûner le surrogatoire avant de s'acquitter de ce qu'on a manqué de Ramadan est permis. Mais pour les savants, c'est makruh. Il dit c'est pas du domaine de l'interdit, il est du domaine du détestable. C'est donc le fait de jeûner le surrogatoire avant de s'acquitter de ce qu'on a manqué durant le mois de Ramadan est permis, mais pour les savants, il est makruh, il est du domaine du détestable. C'est le jeûne surrogatoire fait partie des surrogatoires absolus qui peuvent être accomplis à n'importe quel moment. Dans ces cas-là, pour eux, il est makruh dans cette position. Mais si le surrogatoire est spécifique et il a un temps limité, et qu'on ne peut pas le rattraper si on ne le fait pas à son temps, comme le jeûne de Arafat ou Ashura ou les 6 jours de Shawwal, il est permis de le jeûner avant d'avoir rattrapé le jeûne qu'on a manqué dans le mois de Ramadan. Et là, les savants disent que ce n'est pas makruh pour les arguments suivants. Donc, il est makruh quand, pour certains nombres de sciences, il est makruh de commencer par le surrogatoire, si le surrogatoire est un surrogatoire absolu qu'on peut faire à n'importe quel moment. Et il n'est pas makruh si le surrogatoire est spécifique. Comme les 6 jours de Shawwal, comme Arafat, le jeûne de Arafat et ainsi de suite. Dans ces cas-là, il n'est pas du domaine de makruh. Hein? Et les preuves pour cela, d'abord, le sens général des preuves qui prouvent qu'à la base, le rattrapage de ce qu'on a manqué de Ramadan est une obligation large et il est permis de la retarder jusqu'à Sha'ban de l'année d'après. Et parmi les preuves, il y a le verset qui dit « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ » La traduction approximative du sens du verset, quiconque parmi vous est malade ou en voyage, il devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Le verset ne limite pas le temps du rattrapage. Donc s'il est permis de retarder le rattrapage de Ramadan, donc rien n'interdit de jeûner le jeûne surrogatoire avant le rattrapage de Ramadan. Et selon Aïcha radiallahu anha qui dit, j'avais des jours à rattraper du jeûne de Ramadan, mais je ne pouvais pas les faire, car j'étais occupé par le prophète. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah. Aïcha retardait le rattrapage de ce qu'il n'a pas pu jeûner durant le mois de Ramadan, jusqu'à Sha'ban. Jusqu'à Sha'ban suivant, c'est-à-dire de l'année d'après. Et c'est impossible que la véridique, la fille du véridique, ne jeûnait pas des jeûnes surrogatoires absolus durant l'année, alors que le prophète jeûnait au point que Aïcha croyait qu'il ne rompait pas le jeûne, et le prophète rompait le jeûne au point que Aïcha croyait qu'il ne jeûnait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Ashura et trois jours de chaque mois, et jeûnait beaucoup les lundis et le jeudi. Et comme il est rapporté dans Sharh al-Umda ibn Taymiyyah rahimahullah, Aïcha jeûnait des jeûnes surrogatoires avant de rattraper le jeûne de Ramadan. Et cela prouve que c'est permis. Certains savants disent qu'il est permis de jeûner des jeûnes surrogatoires avant de rattraper le jeûne obligatoire de Ramadan, mais qu'il faut donner la priorité à l'obligation avant le surrogatoire. Car c'est un dû duquel il faut s'acquitter. Une fois qu'on s'est acquitté de l'obligation, on entame le surrogatoire. Il s'appuie sur la parole du prophète alayhi salam, quiconque suit le jeûne du mois de Ramadan par 6 jours de Shawwal, il aura jeûné la vie. Et donc, dans le hadith, il est dit, quiconque suit le jeûne du mois de Ramadan, ils disent que celui qui a 10 jours à rattraper n'a pas jeûné complètement le mois de Ramadan. L'8e sujet, selon l'avis de certains savants, la récompense des 6 jours du Shawwal dépend du fait du rattrapage des jours manqués de Ramadan. Donc selon la voie Shafi'ite et la voie Hanbalite, et c'est le choix de Cheikh Ibn Baz et de Cheikh Ibn Uthaymeen, la récompense du jeûne des 6 jours du Shawwal n'est pas acquis, il est acquis tout simplement à ceux qui les jeûnent après avoir rattrapé leur jeûne du mois de Ramadan. Donc selon la voie Shafi'ite et la voie Hanbalite, et c'est la voie de Cheikh Ibn Baz et la voie de Cheikh Al-Uthaymeen, la récompense des jeûnes des 6 jours de Shawwal n'est pas acquise à ceux qui les jeûnent avant d'avoir rattrapé ce qu'ils ont manqué de Ramadan. Pourquoi le hadith, celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui le suit des 6 jours de Shawwal? Et donc tu vois, frère en Allah, Azzawajal, les sœurs en Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un sujet sur lequel il y a une grande divergence. L'Hanafiya, les hommes de science Hanafite, ainsi que les hommes de science Malikite, sont d'avis que la récompense est acquise pour celui qui a jeûné les 6 jours de Shawwal avant le rattrapage de Ramadan. Et certains nombres de sciences disent, il est préférable de sortir de la divergence et de jeûner, de rattraper l'obligation avant de commencer les 6 jours de Shawwal. Le 9e sujet ici, le statut de jeûner les 6 jours consécutifs. Est-ce qu'elle est obligée de les jeûner l'un derrière l'autre? Certains savants disent, il est préférable de jeûner les 6 jours consécutifs et de les entamer tout de suite après l'Eid. Et dans le fait d'entamer le jeûne des 6 jours de Shawwal juste après l'Eid, il y a dans cela le fait d'entreprendre le bien et l'obéissance le plus vite possible. Comme il est dit dans le verset, « Wasari'u » إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, et concourez au paradis de votre Seigneur et un jardin large comme les cieux et la terre préparés pour ceux qui préservent les droits d'Allah. Il est préférable de les jeûner tout de suite, l'un derrière l'autre. Et il n'y a pas de mal de les jeûner, même séparément, mais du moment qu'ils sont jeûnés en plein mois de Shawwal. Quant au fait de retarder le jeûne des 6 jours de Shawwal, il s'y peut qu'il arrive à la personne des empêchements et des choses qui l'empêchent de les jeûner. Et aussi au fait d'entamer le jeûne des 6 jours de Shawwal après l'Eid est plus facile, car on y est habitué au jeûne. Et le deuxième point ici, le statut de rattrapage des 6 jours de Shawwal. Les savants sont d'avis que les mérites du jeûne des 6 jours de Shawwal ne s'obtient qu'en les jeûnant durant le mois de Shawwal. Mais si la personne a une excuse légiférée qui l'a empêché de les jeûner, il n'a pas pu les jeûner durant Shawwal et les a rattrapés en dehors de Shawwal, il acquiert les mérites et récompenses de celle-ci. C'est le choix de Cheikh Nasser Saadi, Cheikh Abdurrahman Nasser Saadi, rahmatullah alayh, dans son recueil de fatwa. Il a dit, si la personne a une excuse, maladie, le chi, monstrue, autres excuses qui ont été la cause qu'il a retardé le rattrapage de son jeûne obligatoire ou qu'il a retardé le jeûne des 6 jours de Shawwal, il n'y a pas de doute qu'il aura la récompense en les rattrapant. Ceci a été dit par beaucoup d'hommes de science. Mais s'il n'a pas d'excuse et il a retardé le jeûne des 6 jours de Shawwal jusqu'à Dhul-Qa'da ou jusqu'à un autre mois de l'année, le sens du texte stipule qu'il n'aura pas la récompense, car c'est une sunna, qui doit s'accomplir à son moment et à un moment bien précis, comme s'il ratait les jeûnes des 10 jours de Dhul-Hijja ou autres, car leur temps où ils doivent être accomplis est passé. Et le sens spécifique de cet acte d'adoration est passé. Et reste tout simplement le jeûne surrogatoire absolu. Fin de citation des paroles de Saadi rahimahullah. Et Cheikh Ibn Baz, dans son recueil de fatwa, dit « Le jeûne des 6 jours de Shawwal est une sunna, et si son temps est passé, on n'acquiert pas les mérites spécifiques de celle-ci, comme celui qui rate le jeûne des 10 jours de Dhul-Hijja et autres. » Fin de citation. C'est pour ça. C'est quoi l'argumentation pour cela? L'argumentation est très simple. Le hadith rapporté par l'imam Bukhari, le hadith d'Abu Ayyub, الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر الحديث دي كيكونك سوي لجن دو رمضان par 6 jours de شوال c'est comme s'il a jeûné sa vie. Dans le hadith il est spécifié 6 jours de شوال, donc il faut se maintenir à cela, que les 6 jours soient des journées de شوال. Il n'y a aucun doute qu'il existe une différence entre celui qui rate le jeûne des jours surrogatoires par excuse valable, maladie ou autre, et celui qui les rate par négligence et fainéantise. Et ce n'est pas équitable qu'il soit mis au même niveau et à pied d'égalité. Wallahu ta'ala a'lam. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. فسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ونجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا